Moi, ma mère, quand elle lit au soleil, elle voit tellement rien que c'est moi qui lui lis son magazine. Eh bien, la mienne, elle a une deuxième paire de verres Varilux, exprès pour le soleil. Solaire, sport, conduite. Pour votre deuxième paire, choisissez aussi Varilux avec les offres Calissime. Varilux, un verre Essilor. Opticien participant sur Essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les répercussions de la Première Guerre mondiale sur le long terme dans la pensée, les sciences et les arts ? Qu'est-ce qui se joue autour de 1914 et de 1918 ? Quelles sont les mutations, les découvertes, les élans qui ont été stoppés, ralentis, changés ou au contraire accélérés par le conflit mondial ? Quelles ont été les ruptures en sciences physiques autour de 1914 et comment la figure d'Einstein domine cette révolution scientifique ? Comment demeurent d'actualité 100 ans après les questions révolutionnaires dans ce domaine qui ont été abordées avant et après la guerre, souligne le physicien Serge Haroche. Quels sont les rapports entre physique et mathématiques, demande quant à elle Françoise Balibar, à ce moment charnière, et comment le travail scientifique en mathématiques a-t-il été stoppé par la guerre ? Quelle hécatombe parmi les mathématiciens ? Nous voici en 2018. Et alors que nous traversons nous-mêmes un temps de grandes mutations scientifiques, géopolitiques, environnementales, culturelles, notre société s'apprête à revenir sur deux années majeures, à questionner deux grands laboratoires de créativité dans tous les domaines et de débats contradictoires, à se confronter à deux moments ultra sensibles et complexes de notre mémoire, l'année 1918 d'un côté et l'année 1968 de l'autre. Au-delà des enjeux de commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, nous partageons tous un ancêtre affecté par ce conflit, et du cinquantenaire d'une année de grandes turbulences créatives, politiques et sociétales partout dans le monde, il s'agit d'interroger un contexte, un terreau et une actualité qui touchent nos vies à des degrés très divers. Avant de retrouver la suite de la série de Pierre Auzan-Vallon sur le laboratoire politique et intellectuel des années post-68 ce trimestre, je vous propose d'écouter cette semaine le colloque de la rentrée 2014 intitulé « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Dans cette perspective, le Collège de France a invité ses professeurs et différents chercheurs dans une approche interdisciplinaire sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. Pourquoi commémorer 1914, demandait en 2012 dans Libération l'économiste Bernard Maris, qui était alors conseiller scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'économiste a été assassiné en 2015 dans l'attentat terroriste de Charlie Hebdo. Et on mesure aussi combien ces quatre dernières années ont pu bouleverser notre monde. Alors pourquoi commémorer la Grande Guerre ? Pour la paix, l'amitié, mais beaucoup plus encore, déclarait-il. D'abord pour comprendre notre société. En 1914 s'achève la première grande mondialisation commencée 100 ans plus tôt. Jamais les échanges commerciaux et culturels n'ont été aussi denses. Paris accueille tous les artistes du monde, et les artistes français voyagent partout en Europe. Pourquoi aucun intellectuel, aucun artiste ne se dérobera-t-il à la guerre ? Demandait encore Bernard Maris. Quelle était donc cette société qui, envahissant les gares le 2 août 14, s'apprête à disparaître et quelle image donne-t-elle de la nôtre ? Pour ouvrir cette réflexion, c'est du côté des révolutions scientifiques, celle contre-intuitive et bouleversante de la physique moderne qui a révélé l'infiniment petit et l'infiniment grand, une physique moderne qui s'unifie et devient fondamentalement mathématique, que nous allons tourner notre regard, et cela en deux temps, d'abord aux côtés de Serge Haroche, professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire de physique quantique de 2001 à 2015, prix Nobel de physique 2012 partagé avec David Wineland pour leurs travaux sur la mesure et le contrôle des particules quantiques isolées, et en compagnie, dans un deuxième temps, de Françoise Balibard, physicienne et historienne des sciences, professeure émérite à l'Université Paris Diderot. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 octobre 2014 avec Françoise Balibard qui se penchera sur la mutation des rapports entre mathématiques et physique de 1900 à 1920. Et tout de suite, en première partie, nous retrouvons donc Serge Haroche qui ouvre ce colloque sur Einstein et les grandes mutations de la physique autour de 1914. Les causes et les conséquences de la Grande Guerre ont été analysées par d'innombrables travaux d'historiens depuis 100 ans. L'année du centenaire les a vus se multiplier sans jamais épuiser le sujet, tant la complexité des événements appelle d'interprétation et de réflexion. L'une des raisons qui explique la fascination que suscite ce sujet est que la période de quelques années autour de 1914 apparaît comme un moment de profonde rupture. Rupture géopolitique et historique, bien sûr, mais aussi rupture dans les façons de comprendre le monde, de le voir et de le penser. Comprendre le monde est du ressort de la science, et celle-ci a subi à ce moment critique une profonde révolution, tant dans ses concepts que dans ses pratiques. Voir le monde est la prérogative des artistes qui le représentent à travers le prisme de leur sensibilité, et les différentes formes de l'art, peinture, musique, cinéma, littérature, ont été autour de 1914 profondément bouleversées. Penser le monde, c'est se poser des questions sur la condition de l'homme, sur sa relation à lui-même et aux autres, et sur ses plans encore, dans les domaines de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la sociologie et de l'anthropologie. Le temps de la Grande Guerre a été un moment de mutation profonde. Notre colloque ne se placera pas sur le terrain géopolitique ou historique. Nous ne chercherons pas à discuter directement des événements qui ont conduit à cette guerre ou qui l'ont suivi. Nous nous attacherons par contre à analyser les grandes transformations qui l'ont accompagnée dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Elles font que Stefan Zweig a pu se référer au temps d'avant 1914 en l'appelant avec nostalgie le monde d'hier, un monde où l'on vivait, pensait et sentait les choses autrement. Bien sûr, le contexte de la guerre ne sera pas absent, tant il a influé sur certains scientifiques ou créateurs, soit en leur inspirant le thème de leurs œuvres, je pense aux peintres et aux écrivains, soit en orientant leurs travaux, je pense au développement de la traumatologie et de la psychiatrie, ou encore aux chimistes impliqués dans la mise au point des gaz de combat, premières armes de destruction massive. Mais ce contexte direct ne saurait expliquer la plupart des mutations qui se sont produites à cette époque. Ainsi, la révolution de la physique, relativité et physique quantique, a commencé avant la guerre et s'est poursuivie pendant et après elle, sans rapport direct avec les événements, même s'ils ont fortement influencé les conditions dans lesquelles les découvertes ont été faites et diffusées. De même, les grandes mutations dans l'art, je pense au cubisme, à l'expressionnisme allemand, ont commencé avant 1914. On peut cependant voir dans l'émergence des nouvelles formes de l'art du début du XXe siècle l'expression d'une forme d'inquiétude prémonitoire des événements qui allaient bouleverser l'Europe. Les transformations radicales qu'ont connues les sciences seront abordées dans ce colloque. Vous entendrez tout à l'heure deux exposés concernant l'évolution de la chimie et celle des relations entre mathématiques et physique. Quant à moi, je me limiterai dans cette introduction à vous parler de la physique pour vous rappeler combien la période qui nous intéresse a changé notre vision du monde et nos moyens d'action sur lui. Une figure, bien sûr, domine, celle d'Einstein. Rappelons quelques dates. En 1905, âgé de 26 ans, il élabore la théorie de la relativité restreinte. À partir de considérations très générales sur l'invariance des lois de la physique pour deux observateurs se déplaçant à vitesse uniforme l'un par rapport à l'autre, une invariance qui avait été reconnue 3 siècles plus tôt par Galilée pour les lois de la mécanique, mais qu'il généralise à l'ensemble des lois de la physique, Einstein bouleverse les conceptions de l'espace et du temps. Des considérations mathématiques simples, basées sur cette loi d'invariance et son application aux phénomènes impliquant la lumière, le conduisent à la fameuse formule E égale mc2, sans doute l'équation la plus connue de toute la physique, qui explique, à l'aide de 5 signes, d'où vient l'énergie du Soleil et des étoiles et annonce les centrales nucléaires et la bombe atomique. Durant la même année 1905, il explique d'un coup, si j'ose dire, 2 phénomènes apparemment disparates et incompris par les physiciens de l'époque. Les propriétés de la lumière émises par les corps chauffés d'une part et celles de l'effet photoélectrique, émission d'électrons par les métaux éclairés d'autre part, avaient des caractéristiques mystérieuses. Einstein lève le voile en faisant l'hypothèse que la lumière, jusqu'alors considérée comme une onde, est également formée de particules discrètes, plus tard appelées photons. Il ouvre ainsi l'ère quantique en posant les germes d'une théorie qui devait nous fournir les clés du monde microscopique avec toutes les applications technologiques qui en ont découlé. 10 ans plus tard, en 1915, en pleine guerre, Einstein généralise sa théorie de la relativité à la description de la gravitation. La relativité générale met en scène la matière-énergie d'une part, l'espace-temps de l'autre. La matière et l'énergie commandent la déformation de l'espace-temps qui devient courbe et obéit à une géométrie non euclidienne autour des corps massifs. Cette déformation dicte en retour à la matière ainsi qu'à la lumière porteuse d'énergie comment se déplacer en suivant les lignes de plus court chemin dans cet espace-temps non euclidien. Là encore, Einstein tire toutes les conséquences d'une observation de Galilée, l'universalité de la chute des corps, qui suivent la même trajectoire dans un champ de gravitation, quelle que soit leur masse. En unifiant les concepts de masse inerte, de masse pesante et d'énergie d'une part, d'espace et de temps de l'autre, il explique tout un ensemble de phénomènes incompris jusqu'alors et en prédit de nouveaux. Il donne en particulier une valeur précise à la déflexion des rayons lumineux rasant une étoile, inexplicable par la théorie de la gravitation de Newton. L'observation de cette déflexion, telle que prédite par la relativité générale au cours de l'éclipse de Soleil de 1919, rendit Einstein mondialement célèbre du jour au lendemain. Mais ce n'est pas tout. En 1916, Einstein, revenant sur la théorie de la lumière et de son interaction avec les atomes, découvre la loi de l'émission stimulée, le fait que des atomes excités peuvent amplifier la lumière. 40 ans plus tard, cette loi devait être exploitée pour inventer le laser, source de lumière qui a conduit à d'innombrables applications technologiques. Enfin, en 1924, réfléchissant aux conséquences de l'indiscernabilité des particules quantiques, Einstein prédit l'existence d'une nouvelle forme de matière dans laquelle les atomes se retrouvent tous dans le même état, se comportant à l'unisson les uns des autres comme les photons d'un faisceau lumineux. Ces condensats de Bose-Einstein, comme on les appelle, devaient être réalisés expérimentalement quelques 70 ans plus tard et ils font l'objet de recherches très actives aujourd'hui, notamment au Collège de France. Ils permettent en particulier de réaliser des faisceaux cohérents de matière, véritables lasers à atomes, dont les applications potentielles sont encore à peine entrevues. Bien sûr, Einstein n'était pas seul dans cette période si féconde. Il a élaboré ses théories dans un contexte de grandes découvertes qui se sont succédées à un rythme extraordinairement rapide depuis la fin du XIXe siècle. Commençons chronologiquement par celle des rayons X par Röntgen en 1895, qui eut un retentissement immense jusque dans le grand public et les médias, puisqu'elle rendait visible pour la première fois l'intérieur du corps humain. Pendant la Grande Guerre, ces rayons devaient être utilisés de façon généralisée comme outil de diagnostic dans les hôpitaux de campagne. De façon plus fondamentale, les années 1910 ont vu la naissance de l'exploitation des rayons X en cristallographie avec les travaux des physiciens allemands von Laue et anglais Bragg, père et fils. L'étude de la diffusion des rayons X par la matière est devenue depuis un moyen extrêmement puissant d'exploration des structures des atomes, des molécules et des cristaux. Elle a joué quelques 40 ans plus tard un rôle essentiel en biologie pour la détermination de la structure en double hélice de l'ADN. Il nous faut aussi rappeler la découverte, juste après celle des rayons X, de l'électron par Thomson, de la radioactivité par Becquerel et Lécurie, et celle du noyau atomique par Rutherford, qui ont véritablement levé le voile sur le monde atomique. Citons encore celle en 1911 par le Hollandais Kamerlingh Onnes de la supraconductivité, la propriété qu'ont certains métaux refroidis à très basse température de conduire le courant sans aucune perte. Cette découverte a eu des applications technologiques très importantes, par exemple pour la réalisation des aimants supraconducteurs des machines d'imagerie par résonance magnétique. Je compléterai enfin ce panorama en évoquant une grande avancée théorique faite par un jeune homme qui devait devenir l'interlocuteur privilégié d'Einstein. La mise en évidence de la structure planétaire de l'atome par les expériences de Rutherford conduisit Niels Bohr en 1913 à proposer son modèle de la structure de l'atome d'hydrogène, première application de la théorie quantique à la description de la matière. Dans ce modèle, l'électron tournant autour du noyau ne peut occuper que certaines orbites aux énergies quantifiées. Le quantum de lumière, introduit par Einstein en 1905, y joue un rôle essentiel. L'interaction de la matière avec la lumière est décrite en termes d'absorption et d'émission de ces quanta lumineux ou photons, accompagnée de sauts quantiques de l'électron entre deux niveaux d'énergie de l'atome. En rappelant toutes ces avancées de la physique, on mesure l'importance de la rupture que la science a connue au tournant du siècle. Le monde d'hier, pour reprendre les termes de Zweig, était celui où Lord Kelvin pouvait déclarer en 1900 que la physique était, à deux petits nuages près, une science pratiquement achevée. Ou encore Marcelin Berthelot, professeur de chimie au Collège de France, niait l'existence des atomes. C'était aussi un temps où un individu cultivé pouvait espérer embrasser, au moins de façon qualitative, l'ensemble des sciences connues. Une impression de triomphe et d'achèvement de la science se mêlait au sentiment exprimé par exemple dans la grande exposition universelle de Paris de 1900, que les progrès techniques allaient conduire à un âge d'or de l'humanité. Ces progrès, imaginés pour l'an 2000, étaient vus cependant d'une façon qui nous paraît aujourd'hui bien naïve, comme des extrapolations des technologies connues à l'époque, comme celles des transports en dirigeable, des versions élaborées du téléphone ou encore de trains-bateaux hybrides. Les découvertes qui allaient suivre, celles liées à la relativité et à la physique quantique, ont ouvert la voie à une autre forme de progrès, bien plus profonde et imprévisible par les scientifiques de l'époque. Ce progrès, beaucoup plus radical que celui qu'ils pouvaient imaginer, devait donner à l'humanité des pouvoirs insoupçonnés qui allaient être exploités pour le meilleur et pour le pire. En quelques années, les certitudes du monde classique d'hier s'évanouirent pour laisser place à une nature aux propriétés contre-intuitives, où les notions d'espace et de temps, ou même de réalité physique, sont devenues très difficiles, voire impossibles à expliquer aux profanes. La vision globale même de notre univers connut alors une profonde révolution. L'astronomie, la science dans laquelle les conceptions classiques de Newton et de Laplace avaient si longtemps triomphé, se mua en cosmologie, science traitant l'univers tout entier comme un objet d'étude physique, décrit par la théorie de la relativité générale. L'existence de trous noirs et d'ondes de gravitation apparurent vite à Einstein et à ses collègues comme des conséquences directes de cette théorie, et leurs observations, avérées pour les trous noirs et indirectes encore à ce jour en ce qui concerne les ondes de gravitation, sont venues confirmer la validité de la vision de l'univers élaborée par Einstein pendant la Grande Guerre. Et c'est en étudiant encore ces mêmes équations que trois théoriciens, De Sitter, Friedman et Lemaître, firent, dans les années 1920, l'hypothèse de l'expansion de l'univers, confirmée par les observations de l'astronome américain Hubble. Les conséquences sur la représentation que nous avons de notre place dans l'univers en ont été bouleversés d'une façon comparable et aussi profonde à ce qu'était la révolution copernicienne. Une telle révolution dans la conception du monde et de la place que nous y occupons ne pouvait aller sans tensions, résistances et débats. Einstein fut encensé, certes, mais également fortement attaqué pour des raisons en partie dues à l'incompréhension, voire l'inquiétude que ses théories suscitaient dans des esprits incapables d'abandonner la vision classique du monde d'hier, mais aussi pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la science, liées à l'antisémitisme montant en Allemagne et à la germanophobie persistante après la guerre en France. J'y reviendrai. Mais c'est d'une autre résistance, de nature psychologique, plus intéressante à analyser, dont je voudrais parler. Einstein lui-même, s'il n'a à aucun moment douté de la validité de ses théories de la relativité, n'a jamais été à l'aise avec la théorie quantique. En introduisant pour la lumière le concept de dualisme entre ondes et particules, qui devait conduire aussi, comme il fut l'un des premiers à le reconnaître, à l'existence de sauts quantiques survenant à des instants imprévisibles, il avait ouvert une boîte de Pandore qu'il ne parvint jamais à refermer. Dans ses débats avec Bohr notamment, Einstein a toujours essayé de réintroduire le déterminisme laplacien en physique, n'arrivant pas à accepter que Dieu joue au dé avec le monde. Dans ce domaine essentiel, celui de la physique du monde microscopique, Einstein n'est jamais parvenu à renoncer tout à fait à la vision du monde d'hier, ce qui explique sans doute que sa contribution à la physique, si exceptionnelle dans la période 1905-1925, devint marginale lorsque l'intérêt se focalisa sur l'étude à l'aide de la théorie quantique du monde des particules atomiques et subatomiques. Sans nier les succès éclatants de cette théorie, qu'il comprenait parfaitement, il s'en désintéressa cependant pour tenter d'unifier la relativité générale avec l'électromagnétisme, une quête qui, si elle avait abouti, aurait eu un impact sur la description de la lumière et éclairé d'un jour nouveau la question du dualisme. On peut dire que le problème qui le tracassait reste ouvert dans la mesure où la relativité générale, essentielle pour comprendre le monde de l'infiniment grand, et la physique quantique qui régit l'explication de l'infiniment petit, sont encore deux théories non réconciliées. Leur unification permettra peut-être un jour de répondre, sinon aux attentes d'Einstein, du moins aux questions encore énigmatiques que pose la cosmologie. Le panorama que je viens de rappeler montre combien les questions révolutionnaires abordées en physique à l'époque qui a précédé et suivi la Grande Guerre sont 100 ans après restées d'actualité. La physique moderne est née alors, non pas en reniant la physique classique, mais en la complétant et en levant le voile sur des phénomènes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand que les physiciens classiques ne soupçonnaient pas. Si on s'intéresse non plus seulement au fond, mais à la façon dont s'élaborent les connaissances, on peut aussi dire qu'il y a eu au début du XXe siècle une transformation profonde dans les modes de fonctionnement de la science. Dès la fin du XIXe siècle, Pasteur pouvait annoncer que la science n'a pas de patrie. Et cela devint de plus en plus vrai au moment de la grande révolution de la physique. Les échanges d'étudiants et de chercheurs entre pays se multiplièrent avant et après 1914, malgré la montée des tensions internationales. Ainsi, Léon Brillouin, qui devient plus tard professeur au Collège de France en succédant à son père Marcel, alla-t-il étudier à Munich avec Sommerfeld juste avant la guerre. Et le Danois Niels Bohr élabora son modèle de l'atome après un passage en 1911 à Manchester chez Rutherford, qui lui-même venait de Nouvelle-Zélande. Dans l'immédiate après-guerre, les jeunes chercheurs américains qui devaient par la suite créer une école de physique atomique florissante aux États-Unis, les Rabi et Oppenheimer, allèrent étudier en Allemagne auprès de maîtres tels que Stern et Born. Cette époque fut également celle de l'éclosion des grandes conférences de physique et du développement des grandes sociétés savantes. Les congrès de Solvay, organisés à Bruxelles en 1911, puis en 1927 et en 1930, sont en particulier restés légendaires. C'est enfin l'époque où les embryons des grands instruments de la physique moderne virent le jour, qu'il s'agisse des premiers grands télescopes ou des premiers accélérateurs de particules. Que la science, et pas seulement la physique, ait connu une telle créativité dans un temps aussi troublé, en dépit du chaos provoqué par une première catastrophe et l'annonce d'une seconde qui devait survenir 20 ans plus tard, ne finit pas de nous surprendre. Le contraste saisissant entre le foisonnement créatif et la mort de masse nous ramène à d'autres temps. On peut le rapprocher de l'extraordinaire créativité des artistes qui ont, au XIVe siècle, annoncé la Renaissance italienne autour du temps de la Grande Peste. Einstein et ses contemporains ont, par leur productivité scientifique exceptionnelle au milieu de la tourmente, contribué à enrichir la civilisation au moment où elle subissait des assauts dévastateurs. Il en est de même des artistes qui, à Vienne, Paris ou Berlin, ont élaboré des formes nouvelles d'art en peinture, musique, sculpture, littérature ou architecture. Comme le montreront les communications décrivant l'atmosphère de Vienne et de Berlin à l'époque, ces différentes formes de créativité, scientifique et artistique, ont été en quelque sorte nourries par l'atmosphère de fébrilité et d'inquiétude du temps et se sont mutuellement influencées. Les montres molles de Salvador Dali apparaissent comme des métaphores de la relativité du temps et la tour astronomique de l'architecte Mendelssohn, dédiée à Einstein, près de Dresde, exhibe des volutes peut-être inspirées par les représentations de l'espace-temps de la relativité générale. Parler d'Einstein au Collège de France m'amène naturellement, pour finir, à évoquer la visite qu'il y fit au printemps 1922 à l'invitation de Paul Langevin. Elle témoigne du courage des deux hommes qui bravèrent à cette occasion les hostilités de leurs collègues des deux côtés du Rhin. En accueillant Einstein, Langevin s'opposa à ses confrères de l'Académie des sciences qui, 4 ans après la guerre, refusèrent de recevoir un Allemand. Toutes les leçons d'Einstein eurent ainsi lieu au Collège de France, ici, et à la Sorbonne, et non au Quai Conti. Avant de quitter la France, Einstein souhaita aller avec Langevin visiter les champs de bataille désolés de Champagne, et il y tint bouleversé un discours pacifiste suggérant que tous les étudiants allemands viennent voir de leurs yeux comment la guerre avait transformé en désert tourmenté cette terre labourée par les obus et la grenaille. Et lorsqu'il rentra à Berlin, c'est à l'Académie prussienne des sciences qu'il fut cette fois mal reçu, se trouvant isolé au milieu de confrères, se détournant de lui pour avoir sympathisé avec l'ennemi qui avait humilié l'Allemagne à Versailles. Cette réaction marquait le début de l'hostilité croissante qu'Einstein devait subir en Allemagne qui, vite muée en antisémitisme, l'amena à s'exiler quelques années plus tard. Le Collège de France lui fit alors une offre de chaire qu'il commença par accepter avant de décider, de façon sage à la lumière de ce qui devait suivre, de s'installer aux États-Unis. J'ai eu moi-même un témoignage direct de la visite d'après-guerre d'Einstein à Paris. Lorsque j'étais élève en hippotope au lycée Louis le Grand, tout près d'ici, mon vieux professeur de mathématiques raconta à notre classe qu'il avait assisté, 40 ans auparavant, à une des fameuses conférences du printemps 1922. Il était sans doute là, dans cette foule d'hommes chapeautés se pressant au portillon du Collège de France, celui-là même que vous avez tous traversé aujourd'hui pour assister à ce colloque. Si l'on accepte l'omniprésence des chapeaux et l'absence notoire de femmes, seule la présence du réverbère au milieu de la cour d'honneur, réverbère qui se trouve à la place de la statue de Champollion qui n'était pas encore installée à l'époque, marque le passage du temps. Ce professeur donc était un excellent homme qui, heureusement, n'avait pas à nous enseigner la relativité générale, hors programme de l'enseignement des classes préparatoires de l'époque, comme il l'est d'ailleurs toujours de celle d'aujourd'hui. Il avait fait la guerre de 1914 dans les tranchées et il y avait été gazé, mais il ne pouvait être soupçonné de germanophobie et encore moins d'antisémitisme. Sans aucune animosité à l'égard d'Einstein ou des Allemands, il était tout simplement réfractaire aux espaces courbes des géométries non euclidiennes qui lui paraissaient vaguement inquiétants. Il nous avoua honnêtement qu'il n'avait rien compris à la conférence. Né dans les années 1890, il était indéniablement, avec son chapeau de feutre qu'il portait jusqu'en classe, son col cassé et sa lavalière, un survivant respectable du monde d'hier de Stefan Zweig. Merci. Le Collège de France et France Culture vous présente le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée. Vous venez d'écouter le physicien Serge Haroche sur Einstein et les grandes mutations de la physique autour de 1914. Et tout de suite, nous retrouvons la physicienne Françoise Balibar sur la mutation des rapports entre mathématiques et physique de 1900 à 1920. Je voudrais parler des rapports entre les mathématiques et la physique et de ce qui a été changé, non pas à cause de la guerre, mais au moment de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'époque 1914-1918. Alors je commence par remarquer que Henri Poincaré est mort le 17 juillet 1912 d'une embolie survenue lors d'une opération chirurgicale. Il avait 58 ans, donc il est mort prématurément, et avec lui disparaissait une conception des rapports entre les mathématiques et la physique, souvent originale et souvent à contre-courant de celle qui était développée par ses collègues anglais ou allemands, mais qui avait un grand avenir devant elle, puisqu'elle préfigurait la conception reposant sur la recherche d'invariants et la théorie des groupes qui est devenue la conception majoritaire et sur laquelle s'est développée la physique du XXe siècle et du XXIe pour ce qui en est jusqu'à présent. Il n'a pas eu de successeur dans ce domaine, précisément du fait de la guerre qui a été déclarée 2 ans après son décès. Et les jeunes mathématiciens ou physiciens qui auraient pu donner corps à ces idées, qui auraient pu s'en inspirer pour leurs travaux, ont été mobilisés en 1914, en août 14, et près de la moitié d'entre eux ont été tués dans les 3 premiers mois de la guerre. Alors, on a oublié cet épisode qui ne concerne, il faut bien le dire, qu'un petit nombre de personnes, à savoir que la plupart des étudiants ou jeunes chercheurs en mathématiques et en physique, qui à l'époque étaient presque uniquement de sexe masculin et souvent formés à l'école normale, furent mobilisés dans l'infanterie, plus exposés que la cavalerie ou le génie. Sous-lieutenant à pied, évidemment, ça ne pardonne pas. Et sur 195 élèves de l'ENS, mobilisés en août 14, 195, le directeur relate qu'il n'en a plus que 55 seulement, encore indemne, en janvier 1915. Proportion 55 sur 195, qui est bien inférieure à la moyenne nationale. Jean Dieudonné, l'un des membres de Bourbaki, qui a fait ses études à la fin des années 1920, voit dans cette hécatombe l'origine du déclin de l'école mathématique française dans l'entre-deux-guerres et l'origine de la révolte appelée Bourbaki, à laquelle il a participé contre l'enseignement sclérosé que ses membres avaient eu à subir. Dieudonné incrimine cette saignée brutale à l'idéologie égalitaire, je cite, propre au mode de conscription français, je lui en laisse la responsabilité, et il constate qu'en effet, en Allemagne, à cette période, on a, su mieux utiliser les savants en les envoyant dans des postes techniques, les affectant à des postes techniques. Mais en Allemagne aussi, la guerre a fait des ravages parmi les étudiants. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à Göttingen, Félix Klein n'eut plus aucun élève à partir de 1911, et que Hilbert, dont on a parlé tout à l'heure, n'a fait soutenir aucune thèse entre décembre 1914 et juin 1918. Donc, le constat général, c'est que le travail scientifique a subi un coup d'arrêt durant la guerre. Alors, je vais parler de la physique mathématique, qui est ce à quoi on associe généralement le nom de Poincaré. Ne serait-ce que parce que Poincaré a occupé pendant 10 ans, de 1886 à 1896, la chaire intitulée « Calcul des probabilités et physique mathématique » à la Sorbonne. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par physique mathématique ? Visiblement, une activité réservée aux mathématiciens, pour commencer. Ainsi qu'en atteste la liste de ceux qui ont été élus à cette chaire depuis sa création en 1851. Dans le cas présent, le futur titulaire, Poincaré, s'était vu confier une mission, je cite, de la plus haute importance. C'est Hermite qui parle, un autre mathématicien. L'application de l'analyse mathématique au champ nouveau, c'est-à-dire à la découverte, que sont l'électrodynamique et la thermodynamique. Alors, cet enseignement était donc destiné à des étudiants déjà avancés qui avaient déjà suivi des cours de physique à la Sorbonne ou ailleurs. Je parle surtout de l'électrodynamique parce que c'est ce dont Poincaré s'est le plus occupé et c'est aussi ce dont il a le plus parlé dans ses livres qui ont été des best-sellers dans les années 1902-1910, livres à tendance un peu philosophique, dans lesquels il explique ce qui sont ses réflexions de savant. Alors, l'électrodynamique, je dis pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'étude de l'effet des charges en mouvement et donc des courants électriques les uns sur les autres, les courants les uns sur les autres, ainsi que les effets réciproques des courants sur les aimants en mouvement les uns par rapport aux autres. C'est par là qu'est entrée la théorie de la relativité. C'était à cette occasion-là, à ce propos-là, qu'a été découverte la théorie de la relativité par Einstein et Poincaré aussi. Alors, dans tous les textes que j'ai lus de Poincaré, il emploie l'expression physique mathématique comme si son sens était parfaitement transparent. Aujourd'hui, le problème de savoir ce que veut dire physique mathématique ne se pose plus parce que le substantif physique, qui est un substantivé à partir d'un adjectif, même si la physique, ça ne date pas de 1900, eh bien, aujourd'hui, elle désigne une entité disciplinaire, un sujet, en somme, qui est susceptible de plusieurs qualifications, dont la qualification mathématique. Mais tel n'était pas le cas avant la Première Guerre. On pouvait alors trouver étrange qu'une discipline appelée physique soit enseignée par des mathématiciens. Alors, pourquoi, on peut se le demander, cette discipline ne portait-elle pas le nom de mathématiques physiques ? Aujourd'hui, considérant ce qui était alors appelé physique mathématique, on aurait tendance à vouloir ajouter un tiret entre physique et mathématique, physique-mathématique, sur le modèle de chien-loup, ni chien ni loup, ni mathématiques, ni physique, à la fois mathématiques et physique, à la fois chien et loup. Alors, on considère souvent que la physique mathématique est une spécialité française. Pourtant, partout en Europe, à la fin du XIXe siècle, les méthodes mathématiques destinées à ceux qui voulaient faire de la recherche en physique étaient enseignées par des mathématiciens. À Göttingen, toujours, Riemann a professé entre 1850 et 1860 plusieurs cours portant sur les équations dérivées partielles, non pas en tant que telles du point de vue mathématique, mais en tant qu'elles sont impliquées dans diverses branches de la physique, la chaleur, l'optique, la thermodynamique et évidemment l'électrodynamique. Je me propose ici d'explorer la thèse suivante, qui est que c'est dans les 20 dernières années du XXe siècle, époque qui, Serge Haroche l'a rappelé, coïncide avec la Première Guerre mondiale sans que celle-ci, en tant qu'événement politique, en soit la cause. C'est donc dans cette période que la physique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une discipline autonome. Ce qui, jusqu'alors, était une mosaïque de domaines spécialisés, chacun dans l'étude expérimentale ou mathématique, de phénomènes naturels d'un certain type, le son, la lumière, l'électricité, les propriétés des solides, etc. Ce qui n'était donc qu'un patchwork, l'acoustique correspondant au son, l'optique à la lumière, etc., etc., est devenu, à cette époque-là, une entité disciplinaire, la physique. Bon, évidemment, le terme ne date pas de cette époque, mais il a pris, au tournant de la guerre, un sens nouveau que, justement, je voudrais développer, au terme duquel on est passé d'un fouillis de petites branches, de rameaux emmêlés et parcellés, les uns à côté des autres et pas tellement collaborant à quelque chose, à une véritable branche, la physique. Cette métamorphose repose sur la mise au jour de l'existence d'une structure commune aux divers domaines dont j'ai parlé, qui forment le patchwork de la physique jusqu'aux premières années du XXe siècle. Et cette structure est unificatrice, de nature mathématique, et elle a cette particularité que seule l'analyse mathématique a permis de la déceler, de la mettre au jour et de la formuler. Alors, je veux parler bien évidemment de la structure mathématique de groupe et la théorie des invariants, sur laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, s'élève aujourd'hui l'édifice de la physique. Et j'insiste, ce que je veux montrer, c'est que Poincaré a joué un rôle important dans cette entreprise. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Émile Borel, qui était contemporain, peut-être un peu plus jeune que Poincaré, mais enfin de la même époque, dit « Poincaré a contribué plus qu'aucun autre à créer ce que l'on peut appeler l'esprit des théories physiques ». Eh bien, cet esprit des théories physiques, c'est une certaine structure mathématique qui fait la solidité de la discipline physique et l'unité disciplinaire qu'elle forme. Et d'ailleurs, Borel, qui a été aussi nommé dans la chaire de physique mathématique, a transformé le nom de cette chaire en physique théorique. Et c'est ce passage de mathématique à théorique dans la manière de qualifier un certain type de physique, qui n'est pas la physique expérimentale, dont je veux parler aujourd'hui. Alors, en France, la physique mathématique a longtemps été synonyme de mathématisation, plus précisément d'un programme qui consiste à mathématiser de façon progressive les divers domaines, parcelles dont je vais parler, de la physique, ainsi morcelés. Alors, l'entreprise a commencé très tôt, au XVIIIe siècle. Elle a été suscitée par la coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, De la parution sous forme définitive des Principia Mathematica de Newton en 1726 et de l'invention des calculs différentiels par Leibniz à la même époque et sous une forme différente par Newton, mais qui s'est bien gardé de divulguer la manière dont il procédait, soit par perversité, soit par conformisme. Il s'est attaché à transformer tous les raisonnements qu'il avait faits à l'aide du calcul différentiel en démonstrations géométriques d'une lourdeur incroyable qui font que c'est quasiment illisible aujourd'hui les Principia. Alors, c'est avec la seconde loi du mouvement de Newton, celle qu'on appelle en français la loi du mouvement de Newton, le principe fondamental de la dynamique, quand on ne parle pas du PFD comme dans l'enseignement secondaire, on dirait un sigle de parti. C'est donc avec la seconde loi du mouvement de Newton que l'infiniment petit mathématique s'est immiscé, je dis bien immiscé, dans l'étude de la nature. Ce qui eut un double effet. Premièrement, les mathématiciens ont été obligés d'accepter de chercher provisoirement la justification des nouvelles méthodes, non pas dans les démonstrations rigoureuses sur le modèle archimédien, mais dans la fécondité et la cohérence des résultats. Ce qui, évidemment, a allégé ou permis un développement plus rapide et plus fulgurant de l'analyse mathématique. Deuxième effet, l'action des mathématiques au sein de la physique a du coup été radicalement modifiée. Jusqu'à présent, les mathématiques étaient un outil de quantification ou de description, résumant en une formule les régularités observées par les expérimentateurs. Elles sont devenues, avec le calcul différentiel, elles ont cessé d'être un outil pour commencer à fonctionner réellement en tant que mathématiques et à produire des connaissances en physique, des connaissances d'un type inédit, donc, on ne sait pas si on doit les qualifier de mathématiques ou de physique. Alors, on peut se poser la question, mathématiser, d'accord, mais à quoi bon? Et puis, est-ce vraiment nécessaire, vraiment raisonnable? Alors, à quoi bon mathématiser? C'est la question que pose Gauss, un siècle plus tard. En effet, un des avantages escomptés de la mathématisation, c'est l'introduction dans le domaine de la physique d'une forme de certitude qui est celle propre aux mathématiques, de conférer aux énoncés de la physique le même degré de certitude que celui qui caractérise les calculs et les démonstrations mathématiques. Or, la mathématisation n'a de sens, c'est ce que dit Gauss, que si la mesure expérimentale des grandeurs sur lesquelles porte la confrontation ensuite des résultats du calcul et des résultats de l'expérience, si ces résultats de l'expérience sont donnés eux-mêmes avec une certitude comparable à celle que produit le calcul, les mathématiques. Alors, en fait, ce n'est jamais le cas. On n'atteint jamais la précision des résultats mathématiques. Mais c'est un objectif qui doit être fixé à la physique expérimentale et que, d'ailleurs, Galilée, au départ, lui a fixé. Mathématiser, certes, mais aussi mesurer tout ce qui peut être mesuré et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. D'où l'intérêt porté par Gauss à tous les problèmes de calcul d'erreurs, statistiques et méthodes permettant d'améliorer les performances des mesures expérimentales. Par ailleurs, mathématiser, est-ce vraiment nécessaire? C'est la question qui divise les deux auteurs de l'encyclopédie, Diderot et d'Alembert. D'Alembert fait un sort particulier à l'astronomie physique, définie comme, je cite, « l'explication des phénomènes astronomiques par l'admirable théorie de la gravitation de M. Newton ». Bon. Et il considère qu'il y a là un exemple à imiter. Je cite, « on a donc le rare avantage de pouvoir juger irrévocablement du système newtonien. Et cet avantage ne saurait être saisi avec trop d'empressement. Il serait à souhaiter que toutes les questions de physique puissent être aussi incontestablement décidées. » Autrement dit, il est pour l'extension de la mathématisation peut-être pas à tout prix, mais il faut y aller. Diderot, et on sait bien qu'ils se sont disputés sur cette question, Diderot, pour sa part, écrit en plein milieu de l'entreprise de la encyclopédique, écrit une interprétation de la nature, un ouvrage appelé « Interprétation de la nature », qui, à la manière de Diderot, commence de façon percutante, « Jeune homme prend et lit », après quoi vient l'attaque. Une des vérités qui ait été annoncée de nos jours avec le plus de courage et de force, dit Diderot, et qu'un bon physicien ne perdra point de vue, et qui aura certainement les suites les plus avantageuses, c'est que la région des mathématiques est un monde intellectuel où ce que l'on prend pour des vérités rigoureuses perd absolument cet avantage quand on l'apporte à notre terre. Il ajoute, on en a conclu que c'était à la philosophie expérimentale à rectifier les calculs de la géométrie, et cette conséquence a été avouée même par les géomètres, c'est-à-dire les mathématiciens. Mais à quoi bon corriger le calcul géométrique par l'expérience ? N'est-il pas plus court, donc plus raisonnable, de s'en tenir aux résultats de l'expérience ? Poincaré, lui, porte un regard de mathématicien de la fin du XIXe siècle et du début du XXe sur la mathématisation, mathématisation dont il connaît tous les secrets. Que Poincaré ait entamé son cours de physique mathématique par l'optique n'a rien de surprenant. Il existait en France une forte tradition d'optique mathématisée depuis que Fresnel avait développé sa théorie ondulatoire, où l'optique et l'optique passaient pour participer à la fois de l'impeccable correction et de la sévère élégance de la géométrie. C'est du Poincaré. Ici, je dois dire que dans ce qui suit, je vais m'appuyer sur le travail d'Olivier Darigolle, qui depuis une quinzaine d'années a fait un travail absolument extraordinaire des textes qu'il a étudiés sur pièce, si je peux dire, crayon à la main, contrairement à une habitude qui se répand de plus en plus, qui est de résumer les textes et ensuite ça repasse d'articles de littérature secondaire à articles de littérature secondaire et enfin on ne retrouve plus rien. Alors, je reviens à Poincaré et à l'optique. Les étudiants qui ont assisté au cours de physique mathématique à la Sorbonne dans l'année 87-88, qui est le premier cours de Poincaré, ont dû être surpris lorsqu'ils se sont aperçus que le nouveau professeur ne leur exposait pas une théorie mathématique, comme on pourrait, à quoi ils s'attendaient, une théorie mathématique de l'optique, mais bien 8 théories. Il faut espérer qu'après une telle épreuve, ils sont sortis persuadés de la non-univocité de la mathématisation. Et ça, c'est un point pour lequel je pense Poincaré n'a pas son égal. Non-univocité de la mathématisation qui produit la mathématisation, elle produit non pas une théorie, mais une multiplicité de possibilité équivalente du point de vue mathématique, c'est ce qu'il démontre, puisqu'il est mathématicien. Alors, équivalente en, au sens qu'on passe de l'une à l'autre de ces théories par une transformation mathématique. Bon. Alors, on voit déjà là, par le mot équivalence, qui lui-même est lié à invariance, etc., etc., on voit pointer l'orientation futur de la physique, même si Poincaré n'en a pas l'idée à ce moment-là. Mais c'est là, dans ce cours de 87-88, qu'il passe un semestre entier à analyser 8 théories de l'électrodynamique et qu'il s'aperçoit que la plupart de ces théories sont équivalentes, sans compter qu'en général, elles redonnent le même résultat, puis c'est celui qu'il faudra comparer à l'expérience, le même résultat physique à comparer. Et par conséquent, elles sont non seulement équivalentes du point de vue mathématique, mais elles sont équivalentes du point de vue physique. Poincaré dit d'ailleurs scientifiquement équivalentes. Alors, en relisant pour préparer cette intervention ce grand classique qui est « The Character of Physical Law » de Feynman, qui a révolutionné la manière, en tout cas pour ma génération, ça a été une révolution, la manière de voir la physique. Eh bien, en relisant Feynman, je me suis aperçu, ce que j'avais totalement oublié, que Feynman ne dit pas autre chose que ce que dit Poincaré. C'est à croire qu'il a lu Poincaré. ce qui est peu probable. Riemann se donne des allures d'Américain moyen, pragmatique, qui ne connaît rien aux subtilités des intellectuels. En fait, c'est complètement faux. Mais je ne pense pas quand même qu'il ait lu Poincaré. Ainsi, donc, après avoir exposé les trois formes mathématiques, différentielles, de champ local et variationnel, bon, peu importe ce qu'elles sont, que peut prendre la seconde loi de Newton ? Feynman explique que cette pluralité est l'une des caractères de la physique mathématique. Je vous souviens que le titre du livre, c'est « The Character of Physical Law ». L'une des caractéristiques de la physique mathématique. Et il dit « Un aspect intéressant et très étrange du rapport entre les mathématiques et la physique est la possibilité de montrer à l'aide d'arguments mathématiques, je souligne à l'aide d'arguments mathématiques, qu'on peut adopter des points de départ apparemment très différents pour aboutir cependant au même résultat. Les théories sont exactement équivalentes. Il est impossible de trancher puisqu'il n'y a aucun moyen de distinguer des théories dont les conséquences sont identiques. Donc les énoncés, les divers énoncés, bien qu'équivalents, ont des caractères qualitativement différents, dit-il, et c'est ce qui en fait l'intérêt. Et il ajoute, tant que la physique est incomplète et que nous essayons de comprendre des lois inconnues, donc c'était l'objectif assigné à la mathématisation, se souvenir de ce que disait Hermite au jeune Poincaré quand il a été élu, donc tant que la physique est incomplète et que nous essayons de comprendre les lois inconnues, les différentes formulations possibles peuvent suggérer ce qui se passe dans d'autres circonstances. Autrement dit, la physique travaille pour la physique, mais à condition de passer par l'équivalence mathématique des théories. Et du coup, de voir quelles sont leurs caractéristiques différentes, puisqu'elles n'ont pas la même allure, c'est qu'il y a quelque chose de différent, mais ce quelque chose de différent nous donne des idées pour explorer le reste. Or, établir l'éventuelle équivalence des théories mathématiques, physiques, s'inspirer de cet examen pour aller de l'avant, telles sont les deux orientations que Poincaré assigne lui aussi aux mathématiques en relation avec la physique. Le moins que l'on puisse dire est que la manière qu'a Poincaré de concevoir le rôle des mathématiques au sein de la physique est à son époque inédite. Délaissant la poursuite de l'œuvre de mathématisation de la physique, qu'il a lui-même beaucoup pratiquée et enseignée, il invente un autre mode d'intervention des mathématiques au sein de la physique. Ce rôle s'apparente à celui d'un critique, au sens où on parle d'un critique d'art ou un critique de cinéma, un critique de littérature. Il consiste à comparer les théories mathématiques entre elles, non pas selon leur plus ou moins bon accord avec les résultats de l'expérience, en les mettant en compétition de manière à ce que la meilleure gagne, exercice délicat selon Gauss et vain selon Diderot. Il recommande donc de comparer les théories entre elles, non pas pour les mettre en compétition, ni afin de décider quelle est la meilleure, mais au contraire, en tant qu'elles sont liées les unes aux autres et forment un réseau théorique. Donc son objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a ces équivalences mathématiques que, à ma connaissance, il n'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est celui qui en a le plus parlé à son époque. S'interrogeant sur la raison d'être de cette ambiguïté, il arrive à la conclusion qui s'impose à un mathématicien averti comme lui, à savoir l'existence d'une structure mathématique sous-jacente à l'ensemble de toutes les parcelles morcelées qui constituent la physique, et une structure mathématique, comme je le disais en commençant, constitutive de l'unité de la discipline. Plus tard, en 1904, Poincaré, se fondant là-dessus, sera l'un des premiers à rechercher les transformations de la relativité, c'est-à-dire les transformations de Lorentz, qui justement permettent de passer d'une description à une autre équivalente, et à les rechercher sous la forme, celle qui laisse intacte, invariante, la forme des équations de l'électromagnétisme. Bon, je m'arrête là et je vais terminer tout de suite. J'ai dit que tout le monde était au front. C'est pas tout à fait vrai. Évidemment, quand il y a une mobilisation générale, elle ne concerne pas les étrangers. En Allemagne, il y avait un étranger de Marx qui était suisse, parce que né allemand, il n'avait pas voulu reprendre la nationalité allemande quand il avait été nommé professeur à Berlin, et il avait gardé sa citoyenneté suisse, c'est Einstein. Et Einstein, donc, qui n'était pas mobilisable, a passé la guerre à faire, dans le sens le plus banal du mot faire, à faire la théorie de la relativité générale. Alors, ça, c'est une première catégorie de gens qui n'étaient pas au front. Il y a aussi ceux qui étaient trop vieux. Par exemple, Hilbert, dont on a parlé tout à l'heure. Hilbert, qui a passé, lui, une grande partie de son temps pendant les 4 années de la guerre, à peaufiner la théorie des invariants, mais aussi à chercher une manière d'axiomatiser la physique. Et nécessairement, il est tombé sur le problème de l'équivalence des diverses axiomatisations et de ce que ça veut dire. D'ailleurs, il a aussi contribué, il y a eu une compétition à quelques jours près pour à qui donnerait le premier les équations de la relativité, les équations du champ de la relativité générale. Bon, et je passe là-dessus. Et je termine par ce que je trouve le plus beau. Dans les gens qui ne sont pas mobilisés, il y a évidemment les femmes. Or, en 1918, Émy Notaire, Émy c'est comme Émilie, hein, Émy Notaire, donc une femme, elle a publié un article intitulé « Invariante variations problem », qui est, dont Einstein a eu connaissance dès qu'elle l'a eu écrit en 1918, donc, et dont il a tout de suite dit à Hilbert que c'était le plus beau théorème, le plus fondamental de toute la physique mathématique, et qui dit qu'à toute transformation infinitésimale qui laisse invariante l'intégrale d'action, je cite, correspond une grandeur qui se conserve. Autrement dit, c'est une relation entre invariance et conservation. Or, toute le formalisme de la mécanique quantique, et sans compter bien d'autres choses, repose sur ce qu'on appelle théorème de Noether. Le théorème de Émy Noether. Émy Noether, que Hilbert avait réussi à imposer à ses collègues réticents devant l'idée de siéger à côté d'une femme, en leur expliquant que l'université de Göttingen n'était pas un établissement de bain public où on sépare les hommes des femmes. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 16 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, la contribution de Françoise Balibar sur la mutation des rapports entre mathématiques et physique de 1900 à 1920. Et en première partie, celle de Serge Haroche sur Einstein et les grandes mutations de la physique autour de 1914. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des contributions. Les actes du colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres, ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon chez Odile Jacob en 2015. La leçon inaugurale de Serge Haroche, intitulée « Physique quantique » est publiée chez Fayard. Je rappelle également l'ouvrage de Françoise Balibar, « Einstein, la joie de la pensée » en Gallimard Découverte en 2011. Et plus récemment, elle a présenté avec Carlos Lobo « Philosophie des mathématiques et des sciences de la nature » de Hermann Weyl en 2017 chez Métis Press à Genève. Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Guillaume Baldi. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des répercussions de la Première Guerre mondiale en compagnie d'Henri Laurence et de Marc Fontcave. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.